journée de silence. En veux-tu? De nuit où la lumière blanche fait vertu. Il en est des silences. En veux-tu? Des roues de la lumière blanche par-dessus. The top Thank you.